إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، ثم اعلموا رحمكم الله أن من الله على عباده كثيرة لا تحصى، وآلاؤه عديدة لا تستقصى، وهي لا تزال تتوالى على العباد في كل زمان وأوان. ولا يزال الرب جل وعلا يفيض على عباده من أنواع البر والبركات والخيرات والإحسان، ما يزكيهم به ويطهرهم وينقيهم من الذنوب والخطايا والأضرار. فلله الحمد على نعمه السابغة وآلائه المتواصلة، ما توالت الشهور وتعاقبت الأزمان. عباد الله، إن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم عظيمة للعبادة تكثر فيها الطاعات، وتقال فيها العثرات، وتغفر فيها السيئات، وتضاعف فيها الحسنات، تتنزل فيها الرحمات، وتعظم فيها الهبات. وإن من أجل هذه المواسم وأكرمها شهر رمضان المبارك، فيا له من موسم عظيم وشهر مبارك كريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر البركات والخيرات، شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان. سيرفتاد الله كني الله Et sachez que les grâces et les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs sont énormes et innombrables. Et toutes ces grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala fait aux serviteurs, elles se suivent les unes après les autres, à chaque instant et à chaque moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse jamais de mettre sur ses serviteurs toutes sortes de bontés et de bénédictions, toutes sortes de choses qui sont bonnes pour eux et toutes sortes de bienfaisances de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala les purifie par cela et les nettoie de leurs péchés et de leurs fautes. Et donc la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces qu'il nous donne et qui se succèdent les unes après les autres et qui se suivent mois après mois. Serviteur d'Allah, parmi les grandes grâces d'Allah pour ses serviteurs, c'est qu'il leur a donné des périodes dans lesquelles ils font plus d'adoration, et dans lesquels leur péché diminue, dans lesquels ils font plus de bonnes œuvres, et les bénédictions et les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala descendent sur eux. Et parmi les plus grands de ces périodes d'adoration, les plus grandes de ces périodes, il y a le mois du Ramadan qui est béni. Et c'est une grande occasion pour le croyant, une occasion bénie pour faire des bonnes œuvres et s'écarter des péchés. Le mois du Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il explique ce qui signifie que le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé comme une guidance pour les hommes et des preuves de la guidance et du discernement. Le mois des bénédictions et du bien, le mois du jeûne et des prières la nuit, le mois de la miséricorde et du pardon, et le fait d'être délivré de l'enfer, le mois de la générosité, le mois du don, le mois de toutes sortes de formes de différentes bénédictions et de générosité de la part des serviteurs. Et tout ça, c'est du bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce mois. Ibad Allah. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم وحلول هذا الموسم الكريم يستحثهم فيه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة وفرائض ونوافل من صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام ولياله بالقيام شهر أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وروى أيضا بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير وتصفد فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك وروى الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار ذلك في كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Serviteur d'Allah, le messager d'Allah annonçait la bonne nouvelle de la venue du mois du Ramadan et la venue de cette période bénie, et il les incitait à faire des efforts dans les bonnes œuvres, que ce soit dans les actes obligatoires ou dans les actes recommandés et surérogatoires, comme prière, comme sadaqat, les aumônes et la charité, et le bien et les bontés, et le fait de faire preuve d'endurance et de patience sur l'adoration d'Allah. de passer nos jours en jeûnant et nos nuits en priant, et d'occuper notre temps béni par le rappel d'Allah et le remerciement et la glorification et toutes les formes de louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans oublier la récitation du Coran. L'imam Ahmad a rapporté avec une chaîne de transmission qui est authentique, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qu'il a dit: voici Ramadan, c'est-à-dire voici le mois de Ramadan qui est arrivé. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que le mois du Ramadan, le mois est un mois béni. Les portes du paradis y sont ouvertes et les portes de l'enfer y sont fermées et les diables y sont enchaînés. Et chaque nuit, quelqu'un appelle en disant: ô toi qui recherches le bien, avance. Ô toi qui recherches le mal, retiens-toi. Retiens-toi de faire le mal. Et il est rapporté également, selon At-Tirmidhi et Ibn Majah, avec une chaîne de transmission qui est bonne, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qu'il a dit: lorsque vient la première nuit du mois de Ramadan, les diables sont enchaînés. Et les djinns, les mauvais djinns également. Et les portes de l'enfer sont fermées. Et les portes du paradis sont ouvertes. Il n'y en a pas une de ces portes qui sont fermées. Et quelqu'un appelle chaque nuit pour dire aux hommes: ô toi qui veux le bien, avance vers le bien. Ô toi qui veux le mal, retiens-toi de faire le mal. Et dans chacune de ces nuits, il y en a qui sont délivrés de l'enfer. Et il est rapporté également, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait le jeûne du Ramadan et qui le jeûne avec foi et en espérant d'Allah sa récompense, tout ce qu'il a fait comme péché précédent lui seront pardonnés. De même que celui qui prie les nuits de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, avec foi et en espérant d'Allah sa récompense, tous ses péchés précédents lui seront pardonnés. Ibad Allah, laqad wasafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shahr Ramadan bi annahu shahr mubarak, fa huwa shahr mubarak haqqan. كل لحظة من لحظات هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت وبركة في العمل وبركة في الجزاء والثواب. وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر، وإن من بركة هذا الشهر أن الحسنات فيه تضاعف وأبواب الجنان فيه تفتح وأبواب النيران أن تغلق، يعني أبواب النيران تغلق والشياطين ومردة الجن تصفد ويكثر فيه عتقاء الله من النار. Serviteur d'Allah, Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم a décrit que ce mois était un mois béni et il est réellement béni. Chaque instant de ces instants sont bénis. Et réellement bénies. Elles sont bénies dans le temps. Elles sont bénies dans les œuvres qu'on fait. Elles sont bénies dans la récompense et dans la rétribution que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et il y a une nuit parmi les nuits du Ramadan qui est meilleure que 1000 mois. Et parmi les bénédictions de ce mois, il y a le fait que les œuvres, les bonnes œuvres qu'on fait, la récompense de ces œuvres sont multipliées par Allah subhanahu wa ta'ala. De même que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala libère les serviteurs de l'enfer. Ibad Allah, inna min a'zam al-khusran wa akbar al-hirman an yudrik Ramadan, an yudrik al-mar'u hadha al-shahr al-mubarak فلا تغفر له فيه ذنوبه ولا تحط فيه خطاياه لكثرة إسرافه وعدم توبته وترك إقباله وترك الإقبال على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك بالإنابة والرجوع والتضرع والخشوع والتوبة والاستغفار، فيدخل عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو سادر في غيه، متماد في تقصيره، وغير مقبل على ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. رواه الطبراني في معجمه بإسناد صحيح، والترمذي والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. سأغتاد الله. Parmi les plus grands signes de la perte du serviteur et la plus grande privation qui peuvent tomber sur quelqu'un pendant ce mois béni, c'est que ce mois se termine sans que ses péchés lui soient pardonnés et sans que ses fautes lui soient effacées à cause de ses excès et du fait qu'il ne se soit pas repenti et du fait qu'il a abandonné et qui ne s'est pas tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni, qu'il ne s'est pas repenti en revenant à Allah en humilité et en se faisant petit devant Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant et en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Et donc ce mois rentre et il sort, et la personne reste dans sa déviation, reste dans ses négligences, reste dans ses manquements, sans se tourner vers son Seigneur. Il est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril est venu le voir et il a dit: ô Muhammad, celui qui a un de ses parents qui est encore vivant et qu'il meurt sans que cela ait été une cause pour lui pour rentrer au paradis et qu'il rentre en enfer alors que Allah l'éloigne. Jibril a dit: dis Amin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai dit Amin. Et il a dit, c'est-à-dire Jibril: ô Muhammad, celui qui arrive au mois du Ramadan et qui meurt sans que ses péchés lui aient été pardonnés, c'est-à-dire sans que le Ramadan n'ait été pour lui une cause de son pardon, alors fais-le rentrer en enfer, alors qu'il est rentré en enfer, alors que Allah l'éloigne. Il a dit Amin. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Et il a dit également: celui à qui tu es mentionné auprès de lui, c'est-à-dire on a mentionné le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est mort alors et qu'il est rentré en enfer par la suite, alors que Allah l'éloigne. Il a dit, dis Amin. Et il a dit Amin. Il a été également rapporté selon Abi Huraira par Al-Tirmidhi et Al-Hakim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le nez de la personne soit mis dans la poussière. Celui que lorsqu'on m'a mentionné, il n'a pas fait, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Que le nez de la personne soit mis dans la poussière. Celui que le mois de Ramadan est entré, puis qu'il est sorti sans qu'on lui ait pardonné. Et que le nez de la personne soit mis dans la poussière. Celui qui a encore deux parents qui sont d'âge avancé et que cela ne l'a pas fait rentrer au paradis. عباد الله لقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الشهر المبارك بأنه شهر الصبر ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر رواه البزار وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر فهذان الحديثان كلاهما صحيح وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بأنه شهر الصبر والصبر عباد الله ثلاثة أنواع الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله المؤلمة وتجتمع الثلاثة في الصيام فإن فيه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصية الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة بالصبر على الجوع والعطش والشدة ونحو ذلك مما يلقاه الصائم وهذا الصبر الذي يقع من الصائم عباد الله يثاب عليه أعظم الثواب يعطى أجره عليه بغير حساب قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عباد الله إن شهر رمضان شهر ردح وغنيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره بل كان يتفرغ فيه من كثير من الأعمال ويقبل على عبادة الله جل وعلا وذكره وشكره وكان السلف الصالح يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتمام ويتفرغون فيه للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وكانوا يجتهدون في قيام لياليه وعمارة أوقاته بالطاعات قال الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام هذا شأن رمضان عند السلف رحمهم الله شهر جد واجتهاد وشهر صيام وقيام شهر عبادة وتلاوة قرآن شهر تهليل وتسبيح وبر وإحسان شهر عطف ومساواة شهر عطف ومواساة وإطعام سهلت على الله نميس أجد الله صلى الله عليه وسلم أدكري سموى كم إتان لموى de l'endurance et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il a appelé le mois de la patience. Il a dit le jeûne du mois de la patience et puis 3 jours de chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. Il a dit également le jeûne du mois de la patience et de l'endurance et 3 jours de chaque mois, elles font sortir la rancune du cœur. Et ces deux hadiths sont des preuves donc à ce sujet que c'est un mois d'endurance. Et l'endurance et la patience dans la religion d'Allah signifie 3 choses. D'être endurant sur l'obéissance d'Allah. D'être endurant dans le fait de s'abstenir de faire les péchés. Et d'être endurant sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces trois catégories d'endurance, elles se réunissent dans le mois du Ramadan. Puisque le croyant doit faire preuve d'endurance face à la soif, à la faim et à la difficulté qu'il ressent lorsqu'il jeûne. Et donc, l'endurance et la patience, c'est quelque chose que ressent le jeûneur. Et il sera récompensé pour cette endurance et il aura sa récompense sans calculer et sans compter de la part d'Allah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos des gens qui sont endurants et patients, qu'ils reçoivent leur récompense sans calculer. Serviteurs d'Allah, sachez que le mois du Ramadan est un mois de profit et de butin, du fait que le croyant gagne beaucoup de bonnes œuvres durant ce mois, parce qu'il fait des efforts pour faire plus d'adoration que d'habitude. Il fait des efforts pour faire plus de bonnes œuvres que d'habitude. Il se tourne vers l'adoration d'Allah en faisant le rappel d'Allah et en remerciant Allah. Et nos pieux prédécesseurs faisaient beaucoup d'efforts dans ce mois et ils donnaient à ce mois-là une importance plus grande que le reste des mois de l'année. Et ils se libéraient de toutes les choses qui pouvaient les distraire de l'adoration et du rapprochement d'Allah en faisant des bonnes œuvres et des actes de purification. Et donc ils faisaient des efforts pour prier la nuit et pour occuper leur journée par toutes sortes de bonnes œuvres. Et l'imam Az-Zuhri, rahimahullah, il disait, lorsque vient le mois du Ramadan, eh bien il ne reste que la récitation du Coran et le fait de nourrir les gens. Et donc ça c'est l'exemple de nos pieux prédécesseurs durant le mois du Ramadan, un mois d'effort, un mois de prière et de jeûne, un mois d'adoration et de récitation du Coran, un mois d'exaltation et d'exhortation, de bien et de penser aux autres et de vouloir les nourrir. Approchez-vous un peu. عباد الله استقبلوا شهر هذا الشهر المبارك استقبلوا هذا الشهر المبارك بالتوبة إلى الله والفرح بإقباله وإدراكه واجتهدوا فيه بالاشتغال بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب من الطاعات النافعة والأعمال المبرورة والإحسان الكثير والإحسان في الصيام عباد الله وتقوى الله جل وعلا والإقبال على كتابه العزيز وذكره وشكره وحسن عبادته والامتناع عن المحرمات والبعد عنها بمنع الجوارح من محارم الله فيترك كل فعل محرم من الغش والظلم والخداع ومنع الحقوق والنظر إلى المحرم وسماع الأغاني والكذب والغيبة والسب والشتم وقول الزور ونحو ذلك من المحرمات والمآثم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يباعد بيننا وبين الخطايا والآثام وأن يرزقنا التوبة النسوح وإن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. Serviteur d'Allah, tournez-vous vers ce mois béni par la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous à la venue de ce mois. Repentez-vous avant que le Ramadan commence. pour commencer ce mois du Ramadan avec de la joie. De la joie du fait que on approche devant ce mois de bénédiction. Et faites des efforts dans ce mois. Commencez ce mois avec l'intention de faire des efforts pour obéir à Allah et pour se rapprocher d'Allah en faisant ce que Allah aime parmi les actes d'obéissance bénéfique et les actes de bonté et toutes les différentes formes de bonté qu'on fait pendant le jeûne. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Tournez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois du Ramadan. Tournez-vous vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en le lisant constamment. Tournez-vous vers le remerciement d'Allah. Tournez-vous vers la belle adoration. Et abandonnez également pendant ce mois du Ramadan tous les péchés, toutes les formes de tricherie et de mensonges, d'injustice et de trahison, le manquement envers nos obligations et nos droits, le fait de regarder ce qui est haram ou d'entendre ce qui est haram, le fait de mentir ou de parler dans le dos ou d'insulter ou dire des vulgarités ou de parler injustement ou de dire des mensonges sur les autres. Tout ça, c'est des choses qui sont interdites en temps normal et qui sont encore plus interdites durant le Ramadan. Et il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas délaissé la parole mensongère et la mauvaise action, hein, le fait d'agir selon le mensonge ou d'agir selon l'ignorance, Allah n'a aucun besoin de sa part qu'il laisse sa nourriture et son eau. C'est-à-dire qu'il jeûne, mais il continue à faire des péchés. Donc Allah n'a pas besoin de ton jeûne si tu continues à faire les péchés que tu fais d'habitude. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme cela avait été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété. Et on demande à Allah, par ses beaux noms et par ses attributs élevés, qu'il nous fasse tous atteindre le mois du Ramadan et qu'il nous aide à le jeûner et à prier dans ces nuits et qu'il l'écarte entre nous et nos péchés et qu'il nous donne cette repentance sincère à lui. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala entend l'invocation. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي هذه الآية الكريمة إيجاب صيام رمضان من أوله إلى آخره، ومعرفة أوله وآخره تتم بأحد أمرين: الأول رؤية هلال شهر رمضان، والطريق الثاني يثبت دخول شهر رمضان بإتمام شعبان 30 يوما. فهذا هو طريقة إثبات دخول وخروج رمضان. ولا يحل عباد الله في هذا الأمر استخدام الجداول وحساب التقويم، وقد بسط أهل العلم أدلة منع ذلك في رسائل عديدة. وعباد الله، لا يحل لمسلم أن يتقدم شهر رمضان، شهر الصوم، بصيام يوم أو يومين احتياطا للصيام، إلا أن يوافق ذلك صياما له. Serviteur d'Allah, pour terminer ce discours sur l'entrée et la préparation pour le mois du Ramadan, il est important de mentionner que la façon d'affirmer que le mois du Ramadan est entré se fait de deux façons: soit par la vue du hilal du mois de Ramadan, ou bien soit par le fait d'avoir complété 30 jours du mois de Shawwal, du mois de Sha'ban. Et après